Food Découverte. C'est fou, 89.1. Cette semaine au Mathieu Planchot. Dans Television, Television, MTV en noir et blanc pour célébrer Martin Luther King. Ça fait changement du orange qu'on voit habituellement sur la peau des gens de Jersey Shore. Dans le segment Geek Celix, un jeu de Super Mario doté d'une intelligence artificielle pourra se jouer lui-même. Moi, je travaille sur un Mathieu Planchot qui animerait une partie de mon marathon radio de 7h le mercredi. Et dans Merci Science, l'oxygène de l'air serait cancérogène ou cancérigène ou carcinogène au Mathieu Planchot. Et voici celui qui prend rarement le temps de respirer quand il anime. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue Mathieu Plante, avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui à l'émission, comme toujours, la chronique télévisuelle Television Television, le segment Geek CNX, c'est un fait, Tekken Nation va avoir lieu aujourd'hui. C'est vrai, d'habitude je le dis tout le temps puis il n'y a jamais lieu. Et la chronique de science, technologie et médecine, merci science. On va aussi continuer notre série musicale DKC Mixtape 94 sur la musique de la série Donkey Kong Country au Super Nintendo. Pour commencer par contre, on va continuer avec un petit peu de musique chiptune. On a débuté l'émission tout à l'heure avec une pièce de J-Red qui s'appelait Retro Bounce. Et continuons à l'instant avec une pièce que vous allez reconnaître, encore une fois une pièce de Mario, mais cette fois-ci de Super Mario 64. C'est un cover rock avec de la voix. Donc on a écrit des paroles. Vous avez déjà peut-être entendu une pièce de Super Mario 64 avec des paroles ici même au Mathieu Planchon. C'était j'adorais ça, je trouve ça fabuleux, mais il y en a qui ont moins aimé. On va voir si celle-là passe mieux le test pour certains. C'est Bob-omb Battlefield Rock Cover with Vocals qu'on écoute à l'instant au Mathieu Planchon sur C'est Fou 89.1 FM. c'était Ice Wolf et Into the Unknown. On a fait plein de shows. Avant ça, on a entendu Ground Pound Falcon. Et ça, c'est Noah Copeland à la guitare, à la basse et à la voix principale. Et Austin Anderson à la batterie et au chorisme, si je peux me permettre. Donc, le choriste derrière. Avec la chanson de Super Mario 64, Bob-omb Battlefield Rock Cover with Vocals. Voilà, un bloc de deux pièces pour commencer l'émission. Et on débute avec notre première chronique aujourd'hui. Voici Television, Television. Télévision, Télévision, c'est la chronique télévisuelle du Mathieu Plante Show. Et on commence au Québec, comme toujours, avec la série 1 sur 2, qui fait l'objet d'une adaptation pour le marché polonais sous le titre quelque chose avec des lettres que je comprends pas trop. Marié ou pas marié, c'est le titre. 1 sur 2 est porté au Québec par Duo Productions, la boîte des auteurs-producteurs Anne Boyer et Michel Lastoux, qui sont derrière le succès de Yamaska. C'est notre tandem qui est écrit 1 sur 2, à savoir Donald Boutillette et Daniel Chiasson. Ces deux derniers ont d'ailleurs fait un saut à Varsovie pour conseiller l'équipe sur place avant le début du tournage qui est en cours en ce moment. La diffusion des 13 premiers épisodes commencera en avril sur les ondes de TVN, la plus importante chaîne privée polonaise. Les producteurs ont déjà prévu une suite avec autant de rendez-vous en 2016. Dans un communiqué, on a précisé qu'il s'agit de la première série de contenu QMI à être exportée. La vente a été conclue par TVA Distribution. Il y a une saison 3 d'un sur deux qui commence bientôt. Vous savez sur quel réseau. On reste au Québec. La manne de séries originales québécoises annoncée par Super Écran se poursuit. La chaîne payante diffusera en octobre Marche à l'ombre, série dramatique sur 4 jeunes criminologues, 3 femmes et un homme, agents de libération conditionnelle. Deux de ces personnages seront joués par, et là coup de cœur ici, Laurence Leboeuf et Mélissa Desormeaux-Poulin ensemble. L'œuvre scénarisée par Yann Lauzon sera réalisée par Francis Leclerc et comptera 10 épisodes d'une heure. Deux autres séries annoncées plus tôt, on a déjà parlé de ça, Patrice Lemieux 24/7 et Madame Lebrun avec Benoît Brière seront diffusées à la fin du printemps à Super Écran. On en parlait jusqu'à tellement récemment, c'est la semaine passée. Le Cirque du Soleil qui veut passer à la télé. Cirque du Soleil Média, entreprise du Cirque du Soleil et de Bell Media, a annoncé un partenariat avec le studio américain 20th Century Fox Television. Les deux sociétés ont conclu une entente pour produire des séries télé. Dans un communiqué conjoint, la société de production américaine qui a produit des dizaines de séries télé parmi lesquelles Famille Moderne, Modern Family, Comment j'ai rencontré, How I Met Your Mother ou encore Les Simpsons, parle d'une collaboration idéale, mais la direction du studio qui a commencé ce partenariat avec le Cirque il y a quelques mois a refusé d'en dévoiler les détails. Le président du Cirque du Soleil Média, Jacques Mété, a précisé qu'il s'agissait de mettre à contribution les forces de création du Cirque du Soleil. Il s'agit d'une alliance pour concevoir des séries de fiction au sens le plus classique du terme. Voilà. Selon Jacques Mété, il n'est pas question pour l'instant pour 20th Century Fox d'acheter des actions du Cirque. C'est un first look deal, un arrangement très bien balisé qui les oblige pendant une certaine période à leur proposer en priorité en échange de rémunération des projets qu'ils développent. Donc, le Cirque du Soleil. Voilà. Vous pouvez aller voir les informations sur les projets en chantier sur assemblagerequis.com. On en parlait encore une fois la semaine passée, le présentateur de nouvelles d'origine montréalaise, Leslie Roberts, a finalement démissionné de son poste à la chaîne de télévision Global après avoir été éclaboussé par une affaire mettant en cause son éthique journalistique. Le journaliste de 52 ans a fait l'objet d'une enquête du quotidien Toronto Star qui a révélé que Leslie Roberts est copropriétaire d'une firme de relations publiques et qu'il avait interviewé à l'antenne certains de ses clients. C'est des allégations de conflit d'intérêts qui ont sonné le glas pour un temps de la carrière journalistique. En tout cas, c'est ça, c'est pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, mais M. Roberts est pour l'instant hors onde. Global a confirmé la démission de son présentateur vedette dans une déclaration envoyée à ses employés et publiée sur son site Internet. À la lumière des conclusions d'une enquête interne, la chaîne affirme que la démission de Leslie Roberts l'a satisfaite. Maintenant, MTV est en noir et blanc pour célébrer Martin Luther King. Pas en ce moment, mais quand même, le réseau américain MTV a diffusé des émissions en noir et blanc pour célébrer le jour de Martin Luther King. C'était lundi le plus récent, je crois, afin d'encourager ces jeunes téléspectateurs à discuter des enjeux raciaux. La programmation sera donc sans couleur, une première depuis la création de la chaîne il y a 34 ans. Il voulait secouer les gens et dire que oui, il y a des différences et que si nous voulons arriver à une société plus libre et égalitaire, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler. Voilà. Les émissions en noir et blanc étaient présentées pendant 12 heures, au cours desquelles des personnalités de divers milieux ont livré leurs réflexions sur cet enjeu, dont les chanteurs Kendrick Lamar, Big Sean et Jordan Sparks, le sénateur républicain Rand Paul et le sénateur démocrate Cory Booker. qui était aussi de la partie. Il faut tout le temps remettre au passé, hein? C'est tombé difficile pour mon cerveau. Donc, la réalisatrice du film Selma, portant sur la lutte pour les droits civils menée par Martin Luther King, c'est celui qui interprète le célèbre militant David Oyelowo. On lit les messages pendant la journée. MTV a voulu intéresser les jeunes aux enjeux sociaux depuis le début de son histoire. Voilà. Et bon. La télévision qui s'empare à nouveau de Stephen King. David E. Kelly, connu pour ses séries Ally McBeal et La firme de Boston, transformera un roman de Stephen King en mini-série. Son choix s'est porté sur Mr. Mercedes. Disponible depuis juin dernier aux États-Unis, Mr. Mercedes marquera une nouvelle application du maître de l'horreur et du fantastique dans une série télévisée. Après le succès de Le Dôme, Under the Dome. Son nouveau roman, premier volet d'une trilogie, se présente davantage comme un thriller, mettant en vedette Bill Hodges, un policier à la retraite. Cet enquêteur est encore hanté par une affaire qu'il n'est pas parvenu à résoudre avant la fin de sa carrière. Il décide alors d'accorder tout son temps libre à traquer le tueur à la Mercedes qui avait causé un carnage en envoyant délibérément sa voiture au milieu d'une foule. David E. Kelly se chargera d'écrire le scénario de cette mini-série qui ne possède pas encore de diffuseur. Le créateur sera également à la production aux côtés de Stephen King qui gardera un œil sur l'adaptation. Mr. Mercedes sera le premier tome d'une trilogie consacrée au personnage de Bill Hodges. Le deuxième, Finders Keepers, sortira en mai prochain aux États-Unis. Un auteur maintenant, Harlan Coben, qui écrit sa première série télé. Le maître américain du thriller planche sur sa première création originale pour la télévision, baptisée The Five. Elle est attendue d'ici la fin 2015 sur la chaîne anglaise Sky Living. Ne pas confondre avec The Five, le talk show sur Fox News. Pour sa première incursion dans l'univers des séries, Harlan Coben ne se contentera pas d'adapter l'une de ses œuvres au petit écran. Le romancier a élaboré un scénario original, spécialement conçu pour le réseau britannique Sky. The Five décrira un groupe d'amis unis par un tragique accident, hanté par la disparition de l'un des leurs, oui, quelques années plus tôt. Ils sont forcés de revivre le passé lorsque l'ADN du disparu est retrouvé sur une scène de crime. Aucun acteur n'est encore relié au projet qui se tournera au printemps pour une diffusion fixée d'ici la fin de l'année. Auteur mondialement connu, Harlan Coben a déjà vu par le passé son travail adapté au cinéma. En 2006, le français Guillaume Canet avait reçu 4 Césars pour sa version de Ne le dis à personne, un thriller incarné par François Cluzet. Entre autres, NBC maintenant qui ferme la porte, on passe donc à d'autres nouvelles de télévision. Bien sûr, NBC qui ferme la porte à toute collaboration avec Bill Cosby. La haute direction de NBC a définitivement fermé la porte à toute collaboration. Au moment où les allégations d'agression sexuelle contre Bill Cosby continuent de faire surface, le président de la NBC, Bob Greenblatt, a déclaré finalement que la chaîne ne diffuserait jamais un projet de l'acteur et humoriste. NBC a abandonné son projet de développer une nouvelle comédie de situation mettant en vedette Bill Cosby, dont le Cosby Show avait été un grand succès de 30 ans plus tôt. Le retour de Cosby à NBC avait été annoncé l'an dernier avant le début de la vague d'allégations à son endroit par des femmes l'accusant de les avoir droguées puis agressées. Pas besoin de vous raconter l'histoire complète, vous avez déjà vu ça dans les médias. Cosby a évidemment nié les allégations et n'a jamais été formellement accusé. Mais c'est un suivi qui était quand même nécessaire d'au moins le dire qu'il n'y aurait jamais de Bill Cosby sur NBC dorénavant. Dolly Parton, vedette de film pour la télévision. La chanteuse Dolly Parton, icône de la musique country aux États-Unis et célèbre pour son décolleté généreux, disons-le, va faire l'objet d'une série de films pour la télé basée sur sa vie et ses chansons, a annoncé NBC. Hein, donc, on y va exactement avec le contraire de Bill Cosby. La chanteuse, également compositrice et actrice âgée de 68 ans, sera associée à la production de cette série au nombre encore indéterminé de films de 2 heures. Selon un communiqué, les films ne seront pas une biographie mais des fictions basées sur les chansons, les histoires et la vie d'une des musiciennes de country les plus récompensées de tous les temps et icônes américaines, dit NBC. Les films montreront l'éthique incroyable et l'optimisme qui ont été sa marque de fabrique pendant des années. Et vous pouvez parier qu'il y aura aussi beaucoup de musique, dit la présidente de NBC Entertainment. Dolly Parton a indiqué qu'elle était très heureuse de travailler avec ses partenaires-là sur un projet qui se veut sympathique et éducatif. Aucune date de diffusion n'est avancée et la distribution des films n'a pas encore commencé, a précisé NBC. Donc voilà, c'est un article de l'agence France Presse. Sci-Fi adapte Spin, le roman de Robert Charles Wilson. Le roman de science-fiction Spin donnera lieu à l'adaptation télévisée sous la forme d'une mini-série en 6 parties diffusée par Sci-Fi avec la complicité de l'acteur Rob Morrow qu'on connaît pour l'émission Numbers. Dans un futur proche, la Terre se voit coupée du reste de l'univers par une mystérieuse barrière opaque venue de nulle part. Ça fait penser un petit peu à Under the Dome comme concept. Ça arrive des concepts similaires. Les étoiles ont disparu, mais pire, de l'autre côté de cette barrière, le temps s'écoule des millions de fois plus vite qu'à l'intérieur. Il ne reste que quelques décennies avant que le soleil transforme la Terre en boule de feu. Dans ce chaos total, le jeune Tyler Dupree n'aura plus qu'un seul but, celui de trouver l'origine de cette barrière. Il sera aidé par ses amis et voisins, les jumeaux Jason et Diane Lawton. Apparu en 2005, Spin a été récompensé par le prix Hugo, un prix littéraire américain décerné chaque année au meilleur récit de science-fiction, et le Grand Prix de l'imaginaire en France. Le Canadien Robert Charles Wilson a écrit Spin, c'est le premier tome d'une trilogie complétée par Axis et Vortex. On parle maintenant de Sharknado, bien sûr le classique du cinéma américain, hein, Sharknado. Pour sa troisième édition, le téléfilm de sci-fi installera son décor dans la capitale américaine de Washington, annoncé la chaîne. Ian, c'est comme ça qu'on le prononce, sachez-le, Ian Ziering et Tara Reid seront de retour dans ce volet programmé en juillet prochain aux États-Unis. Suite au succès sans précédent des deux premiers, Sharknado sci-fi compte encore tirer sur la corde et prévoit une troisième histoire. Après Los Angeles et New York, c'est Washington DC qui se trouvera envahi par une bande de requins dévoreurs d'humains. Heureusement pour les habitants de la capitale, Finn, le personnage Finn et April seront de retour pour les sauver. Ces deux rôles principaux donc sont repris par les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Dévoilé en juillet 2013 sur sci-fi aux États-Unis, le premier Sharknado avait affolé Twitter avec pas moins de 5000 messages envoyés à la minute pendant sa diffusion. En juillet dernier, le deuxième opus était même devenu le téléfilm le plus vu de l'histoire de la chaîne avec 3,9 millions de téléspectateurs et 581 000 tweets. Ah, Fox est en discussion, j'espère vous l'apprendre, parce qu'en tant que tel, c'est une surprise qui va vous faire tomber en bas de votre chaise peut-être, mais Fox est en discussion pour ramener aux frontières du réel The X-Files. Après le succès de la série limitée 24 Living at a Day de Fox, le réseau cherche à ramener une autre série dramatique emblématique, c'est The X-Files. Le président de Fox TV Group, Gary Numan, a confirmé que le réseau est en pourparlers pour de nouveaux épisodes de la série surnaturelle culte de Chris Carter, qui met en vedette David Duchovny et Gillian Anderson. Numan a poursuivi en disant qu'il avait bon espoir que ça fonctionne. Plus tard, Dana Walden de Fox TV Group a dit que les conversations étaient jusqu'à présent que logistiques en regardant les fenêtres de disponibilité des principaux acteurs de The X-Files, le créateur Chris Carter et les vedettes. Elle a confirmé que la potentielle suite mettra en vedette le premier duo original de David Duchovny et Gillian Anderson. Il n'y a pas encore de discussion créative sur ce que pourrait être la nouvelle série. Chris Carter a fait allusion à un redémarrage possible l'été dernier, tout en reconnaissant qu'il avait eu des conversations avec Fox et 20th Century Fox, le studio derrière The X-Files. Ça s'annonce bien. L'espoir est là. 24 heures après l'annonce du partenariat de Woody Allen et d'Amazon, on en parlait la semaine passée, le réseau câblé HBO riposte en dévoilant une entente télé exclusive de 2 ans avec nul autre que Mike Myers. De Saturday Night Live à Austin Powers, le comédien a également touché au documentaire avec Supermanch, The Legend of Shep Gordon, à propos de la vie de l'agent d'artiste Shep Gordon. Mike Myers est l'un des plus grands esprits comiques dans le milieu. L'occasion de collaborer avec un artiste de sa stature est infiniment excitante, a indiqué dans un communiqué de presse le président de la programmation de HBO, Michael Lombardo. On ignore encore sur quel genre de projet Mike Myers et HBO travailleront ensemble. Eva Longoria va jouer dans une sitcom nommée Telenovela. Donc, pas un téléroman ou un télénovela comme on appelle, mais bien une sitcom sur l'univers des téléromans. L'ancienne star de Beauté désespérée a accepté de jouer le rôle principal de Telenovela, une comédie que NBC prépare pour la saison 2015-16. Depuis la fin de Desperate Housewives en 2012, Eva Longoria est restée proche du petit écran, mais s'est contentée de s'investir dans la production télévisée ou de faire de brèves apparitions. Les choses risquent de changer en rentrée 2015, puisque l'ancienne Gabrielle Solis jouera dans Telenovela. Cette comédie plongera les téléspectateurs dans les coulisses d'un soap dont la star possède une vie privée qui rivalise avec les drames qu'elle joue à l'écran. NBC a d'ores et déjà commandé une première saison de 13 épisodes dévoilée pendant la saison 2015-16. Elle va s'investir également dans la production. J'avais lu, il me semble, sur un format d'une demi-heure, mais c'est peut-être un format d'une heure. C'est pas encore tout à fait clair, mais bon. Ce sera Telenovela. Ensuite, une série de Ridley Scott sur la guerre de sécession. Ridley Scott prépare une série sur la guerre de sécession. Sa série médicale historique sera dévoilée au cours de l'hiver 2016 sur PBS, une chaîne publique. D'ailleurs, ceux qui diffusent Downton Abbey aux États-Unis. Encore sans titre, l'œuvre dramatique s'ouvrira en 1862, soit 3 ans avant la ratification du 13e amendement de la Constitution américaine qui a officiellement aboli l'esclavage aux États-Unis. Située en pleine guerre civile dans la ville d'Alexandria, en Virginie, l'intrigue se penchera sur 2 infirmières, une abolitionniste de la Nouvelle-Angleterre et une jeune confédérée. Cette série en 6 épisodes permettra aux téléspectateurs de percevoir les points de vue de chaque camp en abordant la question de l'esclavage, mais également celle de la place des femmes dans la société de l'époque et les progrès de la médecine. Ridley Scott Scott servira de producteur aux côtés de David W. Zucker, de Une femme exemplaire. La série basée sur des histoires vraies qui ont nécessité 3 ans de recherche sera écrite par David Zebel, connu pour son travail sur Salle Urgence. À partir du 28 janvier prochain, on parle donc de c'est quoi, c'est mercredi prochain ça, il va y avoir 19 journées back-to-back en rafale de Saturday Night Live aux États-Unis sur VH1 pour célébrer le 40e anniversaire de SNL, VH1 Classic. Pas VH1 proper, la chaîne en tant que telle, on parle de son dérivé VH1 Classic. Donc il va diffuser le plus long marathon de Saturday Night Live de l'histoire, ou en fait n'importe quel marathon télé de toute l'histoire des États-Unis à partir du 28 janvier. Donc c'est un réseau qui appartient à Viacom. Ils vont diffuser 433 heures d'épisodes, débutant par la saison 39 et en reculant vers le tout premier épisode animé par George Carlin en 1975. Quand même original de commencer par la fin. Le marathon va être diffusé jusqu'au 15 février, menant vers l'émission spéciale de 3 heures sur NBC, qui va être diffusée au sujet du 40e anniversaire, donc ça va finir juste avant ça. Ils n'incluront pas chaque épisode, parce que certains sont trop difficiles à rediffuser pour des droits musicaux, selon Variety. Et c'est ça, ils ne seraient pas capables de mettre les centaines et centaines d'épisodes dans la case allouée. Bon, ça, c'est une excuse qui n'a pas vraiment rapport parce que VH1 Classic diffuse rien que des reprises puis des vieux cossins des années. T'sais. Donc, tant qu'à ça, ils ont le temps en masse. Ils veulent juste pas le faire. Le précédent record pour le plus long marathon à la télé est détenu par FXX. Vous vous rappelez probablement, ça avait circulé pas mal, le marathon de 12 jours de tous les épisodes des Simpsons. Hein? Mais évidemment, VH1 Classic va dépasser ça facilement avec Saturday Night Live. Ensuite, Sci-Fi va amener... on a déjà parlé de ça, qu'ils vont ramener le film The 12 Monkeys en version télévisée. Une nouvelle série. On va donner plus d'immersion encore grâce aux ampoules intelligentes Philips Hue. C'est un système d'éclairage qu'on peut contrôler par une application sur son téléphone. Donc, pour la première fois dans une série télé, les téléspectateurs vont pouvoir synchroniser les lumières de leur maison avec chaque épisode original de l'émission sur Sci-Fi. Hein? C'est cool. Donc, Sci-Fi a mis à jour son l'application iOS Sync plutôt cette année pour justement fonctionner avec Philips Hue juste avant la rediffusion de Sharknado et le début de Sharknado 2. Donc, il avait fait ça pour ça. Le système demande aux gens d'installer donc Sci-Fi Sync sur leur téléphone cellulaire et les lumières de Philips Hue vont changer par rapport à l'ambiance dans l'émission. Pour les 13 épisodes de 12 Monkeys à partir de la mi-janvier, le premier épisode était le 16 janvier dernier à 21h sur Sci-Fi. Ensuite, Will Arnett va jouer on passe aux nouvelles d'Internet en passant. Donc, Will Arnett qui va jouer dans une nouvelle série sur Netflix. Il va devenir un gourou. L'acteur connu pour son rôle dans la série Arrested Development, Les Nouveaux Pauvres, retrouvera la plateforme américaine pour Flaked, une comédie lancée en 2016. Will Arnett va incarner le premier rôle dans cette série écrite par ses soins. Le comédien prêtera ses traits à Chips ou Croustille, un gourou autoproclamé de Venice en Californie qui tombera amoureux de la nouvelle femme de son meilleur ami. Afin de maintenir les apparences, il s'empêtera, oui, dans une série de mensonges. Will Arnett écrira les 8 épisodes commandés par Netflix avec l'aide de Mark Chappell, scénariste avec qui il a déjà travaillé sur The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret. L'acteur retrouvera également Mitch Hurwitz, le créateur de Les Nouveaux Pauvres, qui occupera la fonction de producteur. Will Arnett connaît déjà parfaitement Netflix, qui a relancé en 2013 la comédie Arrested Development. Hein? Combien de fois dans l'article le nom est mentionné? Dans lequel il incarne Job Bluth. Depuis août dernier, il est par ailleurs la voix principale de la série d'animation BoJack Horseman, tout aussi diffusé par Netflix. Après s'être lancé dans la production de séries, le commerçant Amazon vient d'annoncer sa volonté de produire et distribuer une douzaine de films par année. Je sais qu'on n'en parle pas d'habitude de cinéma, mais étant donné que c'est connecté à Amazon qui produit de la télé jusqu'à maintenant, fallait en parler. Les ambitions dont l'impact devrait varier à travers le monde. Amazon donc continue d'étoffer sa fibre créatrice et de fil en aiguille forcément commerciale. Après s'être lancé dans la production de séries avec Amazon Studios, dont les séries Transparent, Mozart in the Jungle, Alpha House, toutes des séries qu'on ne peut pas regarder au Canada légalement parce que quand on est Amazon Prime Video n'est pas encore disponible au Canada, outrage. Le cybermarchand vient d'annoncer Amazon Original Movies, objectif de cette nouvelle branche d'entreprise qui est de produire une douzaine de films en 2015. Je vous épargne les détails parce qu'encore une fois, c'est pas un sujet qu'on couvre ici, mais je vous laisse aller lire l'article sur assemblagerequis.com. Et pour terminer, Colin, il y avait un article de The Onion il y a quelques années qui avait fait un gag, en fait c'était en 2013, qui avait prédit, tu sais, après que Amazon ait commencé à faire de la télé et tout ça, il y avait comme plusieurs compagnies qui se mettaient à la mode de la télé. The Onion, qui est un site satirique, avait commencé à dire, ben tu sais, il y avait un article qui disait Overstock.com, qui est un site de vente de vêtements et de souliers, allait aussi faire des émissions de télé. Ben, Colin, c'est devenu la réalité en 2015. Le vendeur en ligne Overstock.com a dit qu'ils allaient lancer leur propre service de streaming et de vidéos sur demande qui va être disponible au milieu de l'année environ. C'est la même chose que ce que The Onion avait prédit. En plus, The Onion faisait des blagues sur leurs millions de clients sur Overstock.com et c'est exactement ça qu'ils ont dit dans leur communiqué de presse, des millions de clients. Nous avons déjà le trafic sur notre site, donc aussi bien leur diffuser des émissions de télé. C'est des prophètes! The Onion. Faut pas en rire, c'est pas. Voilà pour Television Television. On termine comme toujours avec les codes d'écoute pour la semaine, cette fois-ci du 22 au 28 décembre. Toujours avec un léger délai, un bon 3 semaines, comme toujours. Difficile d'avoir des affaires un petit peu plus récentes que ça, mais bon. Ben, faudrait que je m'achète la TV Abdo. Hein, donc, non, je pense qu'ils sont aussi en retard que nous autres. Position 15 à 6 en rafale. Cinéma du dimanche. Cinéma cadeau. Qui êtes-vous? Allume tes lumières, Ciné Extra, TVA Nouvelle, Cinéma Cadeau, Le Trichard, TVA Nouvelle, toutes des versions différentes. En cinquième place, La Poulouse d'Or. En quatrième place, 20 ans de Bloopers. Cool, ça c'était Radio-Canada, je pense. En troisième, Cinéma Cadeau. En deuxième, Louis-José Houde, Le Show Caché 2. Et en première place, Hockey LNH Canadien, avec 795 000 téléspectateurs. Du côté du Canada anglais, 15 à 6 en rafale. The Young and the Restless, quoi? Pardon? The Young and the Restless, c'est genre le téléroman par excellence. Qu'est-ce que ça fait dans le top, ça? Attends un peu. Young and the... Bon, j'aurais dû le copier-coller, ça aurait été plus ça. Je vais avoir le titre en français. C'est-tu les feux de l'amour, ça, là? Parce que je les mélange... Oui, c'est les feux de l'amour! Non! En 15e place du classement canadien, les Feux de l'amour. En 14e, CTV Monday Movie. En 13e, WJC Preliminary Others. J'ai aucune idée de ce que c'est. En 12e, Mike and Molly. Ensuite, News Hour, CTV Friday Movie, le film. State of Affairs, les nouvelles de CTV. Shrek the Halls. Et puis NFL Late. Ensuite, en 5e place, CTV National News. En 4e, CTV Evening News. En 3e, CSI. En 2e, CTV Evening News, encore une fois. Et en première, c'est WJC Preliminary Canada. J'imagine que ça a rapport avec un sport, ça, WJC, hein? C'est le championnat mondial de quelque chose? World Junior Championship de hockey sur glace. Parfait. Ça règle le problème dans ma tête. J'avais besoin de savoir. C'est ma curiosité sans fin, vous le savez. Donc, les codes d'écoute, retrouvez-les sur assemblagehockey.com. Tout à l'heure, il nous reste encore plein de choses à faire, évidemment, dans l'émission d'aujourd'hui. Entre autres, merci science. Plus tard, d'ici la fin de l'émission, je vous promets de faire cette fête Take Edition. Donc, à un moment donné, on va faire ça. Puis en plus, on va résumer plusieurs semaines de contenu de ce qui s'est passé dans l'histoire à travers le temps. Mais pour l'instant, on va entendre Uncle Baby. C'est du chiptune, bien sûr, de la musique inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et on écoute donc Uncle Baby et Amongst Ourselves. MPS, c'est le Mathieu Plante Show. À cette... We'll be right back. c'était Solar Loon et la pièce Battle du jeu Pocket Rocks, Pocket P-O-C-K-E-T-T-E. C'est une chanson que l'auteur voulait faire ressembler à des pièces sur Genesis, la console. Et je pense que c'est réussi. Solar Loon et Battle sur Pocket Rocks. Ça nous amène à parler de science. Voici, merci science. C'est Merci Science, la chronique dans laquelle, oui, on remercie la science d'exister. C'est pas vraiment compliqué, ça dit dans le titre. Commençons avec le Cereplex, qui est un boîtier d'interface neuronale externe capable de transmettre les commandes mentales d'une personne via une liaison sans fil à la vitesse d'une connexion Internet domestique. Cette avancée pourrait permettre à des personnes handicapées d'utiliser au quotidien des systèmes de contrôle par la pensée. En mai 2012, Cathy Hutchinson, une personne tétraplégique privée de la parole suite à une attaque, arrivait à boire seule son café en commandant un bras robotique par la pensée. Elle utilisait un capteur, le Brain Gate, qui avait été implanté directement sur le cortex moteur de son cerveau. Celui-ci enregistrait l'activité électrique produite par les neurones au moment où Cathy pensait à une action physique précise. Ce capteur était lui-même connecté à un boîtier externe placé sur le crâne de la patiente. Le tout était relié par des câbles à un ordinateur. Une prouesse technique admirable, mais que la mise en œuvre complexe cantonnait à des expérimentations en laboratoire. Les choses ont beaucoup évolué depuis parce que désormais, ce système peut fonctionner sans le moindre câble grâce à une liaison sans fil. Concrètement, ça signifie que cette interface de contrôle par la pensée a de bonnes chances de pouvoir un jour être utilisée au quotidien par des personnes handicapées. Cette innovation est le fruit d'une collaboration entre le consortium BrainGate, qui réunit le département de neurosciences à l'Université Brown aux États-Unis, et l'une de ses dérivés, de ses spin-offs nommés CyberKinetics, et l'entreprise BlackRock Microsystems. C'est cette dernière qui a mis au point le boîtier externe sans fil Cereplex W, décrit comme ayant la taille d'un bouchon de réservoir automobile. Il se place au sommet du crâne pour être connecté physiquement au capteur BrainGate implanté dans le cerveau. Pardon. Mais lorsqu'il reçoit les signaux électriques émis par les neurones, le Cereplex W les amplifie et les convertit en données numériques qui sont transmises par liaison sans fil à un récepteur. L'information peut alors être répercutée à un appareil, soit une prothèse, un fauteuil roulant motorisé ou bien le curseur sur l'écran d'un ordinateur. La vitesse de la connexion sans fil est de 48 mégasecondes, ce qui équivaut au débit d'une connexion Internet domestique. Selon ses concepteurs, le Cereplex W est capable de transmettre sur une journée l'équivalent en volume de données de 200 DVD. Un débit bien évidemment très loin de pouvoir traduire la rapidité du cerveau humain, mais pour ce type d'interface, le progrès est énorme. La société BlackRock a débuté la commercialisation de ce boîtier sans fil auprès de laboratoires de recherche qui le testent avec des primates. Il coûte environ 15 000 $ américains et des essais avec des candidats humains pourraient débuter cette année aux États-Unis si la Food and Drug Administration, responsable de la pharmacovigilance, donne son feu vert. L'oxygène de l'air pourrait être pourtant indispensable à la vie, oui, pourrait favoriser le cancer du poumon. La raison évoquée est l'oxygène qui favorise la formation de radicaux libres qui causent des dommages aux cellules et à l'ADN. Le cancer du poumon touche surtout les fumeurs, mais 10 à 15 % des cas concernent des non-fumeurs. D'autres facteurs peuvent en effet expliquer ces cas, des prédispositions génétiques, exposition à des produits cancérogènes, comme des particules fines, de l'amiante. L'air que nous respirons contient majoritairement du diazote et du dioxygène. Celui-ci, indispensable à la vie, conduit à la formation de radicaux libres dans l'organisme. Ces derniers causent des dommages aux structures similaires, aux structures similaires, et à l'ADN. On peut donc se demander si cet oxygène est nocif à la santé. En effet, il a été constaté une augmentation des cas de cancer chez les enfants complémentés en oxygène lors de la période néonatale. Pour savoir si l'oxygène est cancérogène, il est possible de comparer la santé de populations vivant à différentes altitudes puisque l'oxygène se raréfie à haute altitude. Par rapport à la pression observée au niveau de la mer, l'oxygène est réduit à 88,7% à 1000 mètres, 78,5% à 2000 mètres et 69,2% à 3000 mètres. Dans un article paru dans la revue Peer J, deux chercheurs des universités de Pennsylvanie et de Californie à San Francisco ont comparé les taux de cancer dans 250 comtés des États-Unis. Ils ont utilisé les données provenant du National Cancer Institute entre 2005 et 2009. Les scientifiques ont observé que l'incidence du cancer du poumon diminuait de 7,23 cas pour 100 000 personnes pour 1000 mètres d'élévation en altitude. L'association inverse entre l'altitude et le cancer du poumon était forte. Le rayonnement solaire et la pollution ont tous deux été pris en compte, puisque ces paramètres varient en fonction de l'altitude. Cependant, les chercheurs n'ont pas observé le même lien avec le cancer du sein, de la prostate ou de l'intestin, ce qui suggère un rôle joué par le processus d'inhalation. Un produit cancérogène inhalé, moins présent en altitude, pourrait expliquer cette association, ce qui fait de l'oxygène un coupable possible. L'hypothèse émise par les chercheurs est que l'oxygène favorise la production de radicaux libres, ce qui peut stimuler le cancer. D'après les deux chercheurs, si toute la population des États-Unis vivait dans le comté de San Juan à 3470 mètres d'altitude, il y aurait 65,49 cas de cancer du poumon en moins chaque année. Ça va faire beaucoup de monde à la même place. Mais... Là, les principaux freins au développement du marché des voitures électriques et leur manque d'autonomie. Des chimistes canadiens viennent de faire une découverte qui pourrait mener à la conception de batteries moins chères et plus légères, mais surtout plus puissantes et plus efficaces. Dans un article paru dans les colonnes de Nature Communications en ce début d'année, une équipe de la Faculté des sciences de l'Université de Waterloo présente une percée majeure dans le domaine de la technologie des batteries au lithium-soufre. Les chimistes canadiens sont parvenus, grâce à des nanofeuilles de dioxyde de manganèse, à maintenir la rechargeabilité de la cathode de soufre. Depuis quelque temps déjà, les chercheurs s'intéressaient à la technologie lithium-soufre parce que le soufre est extrêmement abondant, relativement léger et très bon marché, nous dit l'article, parce que les batteries lithium-soufre présenteraient une meilleure tenue aux basses températures et seraient moins toxiques que les batteries lithium-ion. Mais aussi et peut-être surtout parce que cette technologie a potentiellement la capacité de multiplier par 3 ou même par 5 l'autonomie des voitures électriques. Comment? Eh bien, c'est grâce à une densité énergétique maximale pouvant aller jusqu'à 2600, je crois que c'est... je suis pas trop sûr de la définition de WH par kilogramme. Contre seulement 160 WH par kilogramme pour une batterie lithium-ion. J'avoue mon ignorance là-dessus. En 2009, l'équipe de l'Université de Waterloo avait été la première à démontrer la faisabilité de telles batteries grâce à l'apport de nanomatériaux. Mais jusqu'à aujourd'hui, le développement de batteries lithium-soufre se heurtait à un problème de taille. Ces systèmes ne pouvaient en effet guère supporter plus de 200 cycles de charge, car la cathode de soufre avait tendance, sous l'action des électrons, à se dissoudre dans l'électrolyte, formant des polysulfures. Et c'est sur cette question que les chimistes de Waterloo ont travaillé récemment. Ils ont d'abord pensé stabiliser la cathode physiquement, à l'aide de nanofibres de carbone ou de graphène poreux. Finalement, ils se sont intéressés aux oxydes métalliques. L'oxyde de titane d'abord, puis le dioxyde de manganèse, qui s'est avéré encore plus efficace. Les chimistes de Waterloo ont déjà découvert que l'oxyde de graphène semble protéger les cathodes en faisant intervenir un mécanisme similaire. Ils poursuivent donc leurs travaux à la recherche du matériau plus performant encore que le dioxyde de manganèse. Des ingénieurs de l'Université de Californie spécialisés en nanotechnologie ont mis au point un timbre épidermique capable de mesurer le taux de glucose dans l'organisme. Encore au stade de prototype, ce dispositif pourrait un jour éviter aux personnes atteintes de diabète d'avoir recours à des tests sanguins quotidiens. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 347 millions de personnes dans le monde sont diabétiques. En 2012, le diabète a été la cause directe de 1,5 million de décès. D'après les projections de la structure, le nombre total de décès par diabète devrait augmenter de plus de 50% au cours des 10 prochaines années. Aux États-Unis, une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à San Diego travaille sur un test de glycémie non évasif et peu onéreux, grâce auquel les personnes souffrant de diabète pourront un jour surveiller leur taux de glucose sans avoir à effectuer des prélèvements sanguins. Cela se présente sous la forme d'un timbre épidermique qui sait mesurer le taux de glucose présent dans le fluide entre les cellules de la peau. Ce procédé, qui est encore en cours de développement, a fait l'objet d'une publication scientifique dans la revue Analytical Chemistry. Les chercheurs de l'Université de Californie expliquent que leur timbre est composé d'électrodes imprimées sur du papier à tatouage temporaire. Une fois appliqué sur la peau, le timbre produit un courant électrique très léger durant 10 minutes afin de forcer les ions sodium présents dans le fluide entre les cellules de la peau à migrer vers les électrodes. Or, ces ions transportent aussi des molécules de glucose présentes dans ce fluide. Un capteur incorporé dans le timbre sait mesurer la force de la charge électrique produite par ce glucose. Le prototype a été testé sur 7 volontaires humains, des hommes et des femmes âgés de 20 à 40 ans et ne souffrant pas de diabète. Ils ont consommé un repas riche en glucides à base de sandwich et de soda. Ils ont mangé ça dans un... Il y avait bien chaud. Le timbre épidermique a décelé une hausse du taux de glucose avec la même acuité qu'un testeur de glycémie classique. Ce capteur épidermique pourrait avoir d'autres applications et notamment servir à mesurer des phénomènes métaboliques comme la production de lactate chez les athlètes. Le système pourrait aussi permettre de tester l'efficacité d'un traitement médical en surveillant la production de certaines protéines. Mais l'équipe de l'Université de Californie souligne que son timbre épidermique n'est pas encore utilisable. Il lui faut d'abord développer un lecteur susceptible de récupérer les données et de les transmettre par liaison sans fil Bluetooth à un médecin ou à un service en ligne sécurisé. Les scientifiques veulent également accroître la durée de vie du timbre qui n'est pour le moment que d'une seule journée. Et finalement, des chercheurs coréens sont parvenus à augmenter encore l'intérêt du graphène dans le cadre d'une utilisation pour les batteries. Donc la méthode est simple, une bonne vieille friture. Une batterie, c'est avant tout deux électrodes qui ont d'autant plus d'intérêt que leur capacité à conduire l'électricité est importante. Dans cette optique, le graphène, qui est un enchevêtrement particulier d'atomes de carbone, dispose d'arguments sérieux qui en font un candidat convoité. Il est très stable et extrêmement conducteur. C'est pourquoi de si nombreuses recherches sont menées sur cette structure qui n'a pourtant pas encore révélé tous ses secrets. Des chercheurs de l'Université de Yonsei et de l'Institute of Ceramic and Technology en Corée du Sud ont ainsi découvert qu'ils pouvaient augmenter la surface d'échange essentielle pour produire une batterie de grande capacité d'une électrode en graphène en agrégeant simplement les molécules à la manière d'une éponge sphérique. La découverte ne se situe pas dans cette structure particulière, mais plutôt dans la technique mise en œuvre pour l'obtenir. Deux étapes sont nécessaires. Casser une suspension aqueuse de molécules de graphène en micro-gouttes par des ultrasons, puis passer ces petits agrégats dans un bain à 160 degrés Celsius, constitué d'un solvant organique et d'acide ascorbique. Ce traitement, qui est relativement simple, plus pour eux que pour moi, appliqué à grande échelle, donc serait, selon les chercheurs, une étape majeure dans la production de batteries à l'endurance plus conséquente. Plus qu'une journée, parce qu'à un moment donné, brancher le téléphone en début de soirée, ça commence à être plate. Donc voilà pour Merci Science, et merci Science d'exister. Hein? Tout à l'heure, on continuera avec le segment Geek CNX, mais avant ça, c'est le moment de retourner en musique, entendre un peu de chiptune, et cette fois-ci, on entend un cover d'une pièce du jeu Earthbound, ou au Japon, vous le connaissez peut-être sous le nom de Mother 2. C'est la pièce Humoresque of a Little Dog. C'est par Game & Sound. On écoute du Game & Sound fréquemment au Mathieu Planchot. Donc, retrouvez le lien pour entendre toutes les pièces sur assemblagerequis.com. On écoute Humoresque of a Little Dog. The Game & Sound. MPS, le Mathieu Planchot. Ah, c'est fou. Thank you. Ben non, tu me fais pas ça aux trois quarts, là. C'est un peu chien de me faire ça aux trois quarts de la chanson, c'est tellement bon. On écoutait Super Mario World Suite sur l'album Super Nintendo XX. Et la raison pour laquelle je vous faisais jouer ça, c'était comme un mini-concert, en fait. C'est une célébration en 6 disques. Sorti en 2012 pour le 20e anniversaire de la version PAL, donc européenne entre autres, de la Super Nintendo. C'est 20 suites de musique sur différentes thématiques. Hein, donc 20 de ses jeux préférés sur Super Nintendo à cet homme-là. La personne qui a fait ça, c'est Shiryu. Hein? C'est plus de 6 heures de musique, donc si j'avais voulu la choisir pour une série en concert, comme je fais toujours au Mathieu Plancho, ça aurait pris comme 3 ans. Donc il y a pas question, mais là ce qu'on écoutait c'était Super Mario World Suite, donc plein de chansons du jeu Super Mario World. Voilà, donc vous pouvez l'entendre au complet sur assemblagerequis.com. Ça finit avec un gros punch tout ça. Hein? Donc tiens, on va y aller avec C'est un fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait Tech Edition, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, et évidemment dans la section technologique, hein, je pense que ça a du sens, étant donné le nom Tech Edition, et ceux qui nous suivent une fois de temps en temps au Mathieu Plancho, qui écoutez en fait plus régulièrement que d'autres, vous avez peut-être remarqué que quand même j'ai pas eu le temps de faire C'est un fait Tech Edition depuis un maudit bon moment. Donc on va résumer ce qui s'est passé depuis. Là vous allez me dire, mais t'es donc ben fou, tu l'as pas fait depuis genre le 8 décembre passé? Ben c'est ça, vous résumez ma personne, je suis fou de même. Commençons donc par le 8 décembre. En 1931, le brevet numéro 1,835,031 pour un Concentric Conducting System, un système de conduction concentrique, a été donné à Lloyd Espenshield de Kew Gardens à New York et Herman A. Affle de Ridgewood au New Jersey. Ça a été assigné à l'American Telephone and Telegraph Company. C'était l'invention, en fait, le brevet du câble coaxial qu'on branche dans la télé pour avoir le câble. C'était en 1931. En 1993, le secrétaire de la défense à la défense américain a ouvert le Standard Positioning System pour les civils. Ça a donc donné les GPS. Les GPS publics. Une précision de 9 mètres à l'horizontale. C'était le 8 décembre. Le 9 décembre maintenant, en 1968, le scientifique Douglas Engelbart a donné une démonstration légendaire. Entre autres, on a présenté pour la première fois la souris d'ordinateur, la conférence vidéo, la téléconférence en général, l'hypertexte, le traitement de texte, un paquet d'autres affaires comme ça, comme le hypermedia, l'object addressing, le dynamic file linking, le bootstrapping, des affaires comme ça. Donc c'était en 1968. En 1987, Microsoft sortait Windows 2.0 qui, parmi tout plein d'autres améliorations, pouvait faire fonctionner la toute première version Windows de Microsoft Word et de Microsoft Excel. Ensuite, on va au 10 décembre 1993, John Carmack et ses amis chez id Software ont sorti le jeu vidéo Doom, qui allait lancer un million de modifications et qui allait faire des first-person shooters, des shooters à la première personne, une forme dominante de jeux vidéo pendant des décennies. Là, c'est vrai, on saute au 12 décembre. En 1896, Guglielmo Marconi a étonné un groupe au Toynbee Hall de East London avec une démonstration de communication sans fil de pièce en pièce. À chaque fois que Marconi appuyait sur une touche et ça faisait sonner une cloche dans une boîte qui était de l'autre côté de la pièce, une boîte que William Henry Preece avait en sa possession. Et en 1991, Paul Kuntz a installé le premier site web en Amérique du Nord qui cherchait en fait des textes de physique des particules à l'université de Stanford. Donc le premier site web. Le 14 décembre 1996, John Tu et Davidson, les cofondateurs de Kingston Technology, ont pris 100 millions de la vente de leur compagnie privée. Ils ont donné ça à leurs employés. C'est un geste spontané pour ceux qui avaient aidé à faire de cette compagnie un leader dans le marché de la mémoire. Donc c'est Kingston qu'on connaît pour les clés USB entre autres. Le 15 décembre 1994, Netscape a envoyé la version 1.0 de leur Netscape Navigator, le furteur à Internet. C'était en 1994. Le 16 décembre en 2002, Creative Commons a été lancé, révélant donc tous les systèmes de copyright, de droits d'auteur qu'on voit comme icônes sur les sites web, donc qu'on a le droit de le modifier, qu'on n'a pas le droit de le modifier. Donc c'est Creative Commons en 2002. Le 17 décembre en 1903, Orville Wright a réussi à voler dans une machine qui était plus lourde que l'air. Donc, ils sont partis du sol. Hein? Et puis, ça a pu être contrôlé dans les airs. C'est ce qu'on considère comme le premier vol d'avion. C'est en 1903. En 1997, John Barger a inventé le terme weblog pour décrire une liste de liens sur son site, Robot Wisdom. Peter Myerholz a plus tard raccourci le terme weblog en simplement blog. C'est donc devenu un blog qu'on a francisé en blog avec B-L-O-G-U-E. En 2012, le W3C annonce qu'ils ont complété la définition de ce qui est devenu l'HTML5, ce qu'on utilise maintenant pour remplacer les vidéos en flash, entre autres, c'est du HTML5 dorénavant. En 1987, maintenant le 18 décembre, Larry Wall sortait le langage Perl de script, qui est plus tard devenu un des langages dominants sur le web. En 1997, le HTML 4.0 a été recommandé et publié par le World Wide Web Consortium, le W3C dont on vient tout juste de parler. Le 19 décembre en 1958, la première diffusion radio de l'espace a été transmise. Le président américain Eisenhower a parlé en message préenregistré au sujet du, en fait, à bord du Project Score, un satellite expérimentiel. En 1999, Time Magazine annonçait que Jeff Bezos, le directeur général de Amazon, et le CEO, le Chief Executive Officer, était la personne de l'année. Donc le magazine a cité le magasinage en ligne et la folie du .com parmi les raisons pour lesquelles ils ont nommé Jeff Bezos en 1999 comme personne de l'année. Le 20 décembre 1880, Broadway à New York, entre la 14e et la 26e rue, était la première donc à être allumée avec de l'électricité, donc allumée en termes de lumière. C'est devenu, on l'a surnommé plus tard, Great White Way, le grand chemin blanc, le grand chemin éclairé. En 1996, Apple annonçait leur acquisition de Next Computer et ils ont ramené le cofondateur Steve Jobs à la compagnie Apple qu'ils avaient fondée en 1985. Le 21 décembre 1937, le premier film animé complet, donc un long métrage de Walt Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains, Snow White and the Seven Dwarfs, est débuté à Los Angeles, film qui durait 83 minutes. C'était aussi le premier film animé à avoir été produit en couleur. Le 22 décembre 1666, sept mathématiciens et sept physiciens, se sont rassemblés, hein, donc ont été rassemblés par Jean-Baptiste Colbert, et puis ils ont fondé l'Académie française des sciences, French Academy of Sciences. En 1882, Edward H. Johnson de l'Edison Illumination Company a passé un filament avec des lumières rouges et des lumières bleues sur son arbre de Noël. C'était la première personne à utiliser des lumières de Noël en 1882. En 1885, un brevet pour ce qu'on appelle un Gravity Switchback Railway a été donné à Lamarcus Thompson de Coney Island, New York. On appelle ça de nos jours juste un manège, un roller coaster, un manège, finalement. Il y a un nom pour ça en français, puis je l'oublie tout le temps. Montagne russe, voilà, montagne russe. Je sais pas pourquoi c'est supposément russe, mais bon. En 1968, à 15h01, heure de l'Est, Apollo 8 a transmis pour la première fois une diffusion en direct des États-Unis. Donc, à partir d'un vaisseau qui était dans l'espace, on avait une diffusion en temps réel à la télévision. On passe au 24 décembre 1955. NORAD raconte l'histoire, bien sûr, d'un numéro de téléphone mal imprimé qui a fait que Continental Air Defense Command, ou encore CONAD, a commencé à recevoir des appels des enfants, des appels pour le Père Noël. Donc, le directeur des opérations, colonel Harry Shoup, a demandé à son équipe de vérifier le radar pour savoir s'il y avait des signes du Saint-Nic, Saint-Nicolas. NORAD a été créé en 1958 et puis il continue la tradition depuis ce temps-là de surveiller les traces du Père Noël. En 1999, le HTML 4.01 a été publié par le World Wide Web Consortium. Le 4.01 est une version importante parce que ça a duré, c'était le standard HTML pendant plus d'une décennie. Le 25 décembre 1741, à Uppsala, en Suède, Anders Celsius a utilisé pour la première fois un thermomètre de l'île qui avait marqué avec 100 gradations entre le point où l'eau bouillait et le point où l'eau gelait finalement. Donc c'était la première utilisation d'une échelle centigrade pour la température en 1741. En 1959, Sony lançait sa première télévision, son premier téléviseur, le modèle TV-301 basé sur les transistors. Plus tard, il allait être vendu au Japon. Bon, c'était en mai suivant. En 1990, Tim Berners-Lee, avec l'aide des scientifiques du CERN, Robert Caio et plusieurs autres, ont installé la première communication entre un furteur web et un serveur via ce qu'on appelle l'Internet. C'était en 1990. Le 26 décembre 1933, Edwin Armstrong a reçu un brevet pour sa méthode d'élimination du statique et de la statique en fait dans une diffusion radiophonique en utilisant ce qu'on appelle la modulation fréquence. C'est le terme que veut dire FM, modulation fréquence. Donc il allait fournir ou en tout cas de, avoir une licence qu'elle allait donner, peut-être pas donner, peut-être vendre pour cette technologie. Mais plusieurs compagnies ont embrassé la radio FM sans sa permission et il a passé une bonne partie de sa vie ou de la fin de sa vie à se battre en cours pour sa technique. En 1982, le numéro du 3 janvier de Time Magazine est arrivé en magasin avec l'ordinateur sur la couverture en tant que machine de l'année, non pas homme de l'année. C'est le premier non-humain à avoir l'honneur depuis que le concept Man of the Year de Time Magazine avait débuté en 1927 avec Charles Lindbergh. Donc c'était jusqu'en 1982 où on a nommé à la place une machine. Le 27 décembre en 2007, Warner Music Group est devenue la troisième étiquette majeure à commencer à vendre de la musique sans protection, sans verrou numérique, des MP3 sur Amazon. Donc c'était en 2007. Le 28 décembre en 1886, Josephine Garris Cochrane de Shelbyville en Illinois a reçu le premier brevet américain pour une machine pour laver la vaisselle, un lave-vaisselle commercial. Sa compagnie plus tard est devenue KitchenAid. C'était en 1886. Le 29 décembre 1949, la station de télé KC2XAK de Bridgeport au Connecticut est devenue la première station de télévision UHF, donc ultra haute fréquence, à opérer sur une programmation quotidienne. C'était en 1949. En 1952, le premier appareil pour mieux entendre, avec un transistor, un junction transistor, a commencé à être vendu. C'est le modèle 1010 de Sonotone Corporation à Elmsford, à New York, aux États-Unis. Donc le premier appareil qu'on s'insère dans l'oreille pour mieux entendre. Le 30 décembre 1873, plusieurs hommes de New York ont fondé l'American Meteorological Society, trouvant, eux, ces gars-là, que le système métrique avait besoin d'être amené au pays. 100 ans plus tard, ils sont morts et les gallons, les milles et les Fahrenheit sont toujours populaires aux États-Unis. Et finalement, pour le mois de décembre, le 31 décembre 1923, les cloches du Big Ben ont été diffusées à la radio pour la première fois par la BBC. C'est devenu une tradition depuis. En 1938, les policiers de Indianapolis, ont mis le druncometer du professeur de l'Indiana University, Rolla Harder, en utilisation en pratique le soir du Nouvel An, donc la veille du jour de l'an, pour tester. C'était un breathalyzer avant le temps, donc un druncometer. Les Soulons... ceux qu'on pensait Soulon, présumé Soulon, soufflait dans un ballon, donc vraiment une balloune, et l'air était mélangé avec une solution chimique qui était de plus en plus sombre, plus foncée, puis il y avait d'alcool de présente. La version plus portative du breathalyzer a remplacé le druncometer en 1958, mais ça c'était à la base en 1938, la balloune en tant que telle, c'est une vraie balloune. Alors, 2001. Microsoft a arrêté le soutien technique de Windows 95. C'était donc maintenant un système d'exploitation obsolète selon la politique du cycle de vie de Microsoft, le Microsoft Life Cycle Policy, oui, après seulement 6 ans de Windows 95. Maintenant, on passe au mois de janvier. Ça va bien jusque-là. Je trouve que ça avance bien. En 1939, dans un garage de Palo Alto, en Californie, William Hewlett et David Packard ont fondé Hewlett-Packard, HP, bien sûr. En 1985, le Nordic Research Network, NordU.net, a enregistré le premier nom de domaine à vie. C'était NordU.net. 2 janvier 1979, Dan Bricklin et Bob Frankston incorporent Software Arts pour développer VisiCalc, qui était le premier programme de spreadsheet ou des feuilles de calcul au monde, bien avant Excel. C'était VisiCalc. Le 3 janvier 1957, Hamilton Electric a fait une conférence de presse pour annoncer la première montre électronique au monde. La Hamilton Electric 500 n'avait pas besoin d'être crinquée, seulement insérer des batteries. En 1977, Steve Jobs et Steve Wozniak incorporent Apple Computer Company. Vous savez tous le fait divers qu'on mentionne fréquemment que Ron Wayne faisait partie du trio. Finalement, il s'est retiré. Il a vendu ses parts de Apple pour $800. En 2009, Satoshi Nakamoto a créé une monnaie virtuelle nommée Bitcoin. Vous avez peut-être entendu parler. Donc, il avait posté l'annonce et 31 000 lignes de code sur Internet. C'était en 2009. Tu sais, on a commencé à parler de Bitcoin, c'était en 2014. Dans le monde, genre entier, non geek, les Bitcoins, c'est en 2014. Ça a débuté en 2009. Sachez-le. On saute ensuite au 5 janvier 1984. Richard Stallman a commencé à travailler sur le GNU Operating System. Un système d'exploitation finalement qui ressemblait beaucoup à Unix et qui était gratuit. Donc GNU Linux est la plus populaire version, ou en tout cas le plus populaire dérivé de tout ça. Donc Linux a pris ses racines en 1984. Le 6 janvier 1838, Samuel Morse et son partenaire Alfred Vail ont révélé la première démonstration en public de leur nouveau système de télégraphe électrique au Speedwell Iron Works de Morristown au New Jersey. Ils ont utilisé un code spécifiquement construit par M. Morse lui-même, vous connaissez peut-être le nom du code Morse, pour envoyer le message en anglais « A patient waiter is no loser ». Donc, un patient serveur ou un patient qui attend n'est pas un perdant. On n'a pas le contexte de ce que waiter veut dire, que c'est un waiter comme quelqu'un qui attend. Waiter comme un serveur. Je pense que le premier se dit pas, donc sûrement c'est le deuxième. En 1851, Léon Foucault a prouvé la rotation de la Terre avec une expérience. Il écrit dans son journal qu'il avait fait la découverte à 2h du matin en travaillant sur sa célèbre pendule dans la cave, c'est le grenier de sa maison. C'est là. Ouais. En 2004, Apple a annoncé le iPod Mini, une version 4G de son iPod, disponible en 5 couleurs à $249. Le 7 janvier en 1714, Henry Mill a breveté une machine pour transcrire des lettres une à la fois. Les lettres, on parle de caractères. Tristement, il est mort avant de pouvoir perfectionner ce qui est devenu plus tard la première machine à écrire. C'est en 1714. En 2003, Apple sortait la première version bêta de son nouveau furteur nommé Safari. Le 8 janvier 1889, Herman Hollerith a reçu un brevet pour sa machine à tabulation électronique, donc Tabulating Machine Company, qui plus tard allait fusionner avec trois autres compagnies et allait s'appeler éventuellement International Business Machines. C'est maintenant connu sous le nom de IBM, donc ça a débuté en 1889. Le 9 janvier 1992, le Chief Executive Officer de Apple, John Sculley, a inventé le terme Personal Digital Assistant, ou encore assistant numérique personnel. On a commencé à appeler ça des PDA. Vous vous souvenez des Palm Pilotes? Ça, c'était des PDA, des assistants numériques personnels. Il indiquait qu'Apple allait entrer plus tard dans le domaine des PDA. Plus tard cette année-là, en 1992. En 2001, Apple a présenté iTunes pour le Macintosh qui pouvait ripper les CD, donc faire des MP3 avec, organiser de la musique numérique et de la radio Internet, donc dans iTunes, c'était en 2001. En 2007, le CEO de Apple, Steve Jobs, a présenté pour la première fois le iPod, un appareil... Non, c'est pas ça. Je recommence. Je me rappelle de cet événement-là. En 2007, le CEO d'Apple, Steve Jobs, a présenté la combinaison entre un iPod, un appareil Internet et un téléphone tout en un. On a appelé ça le iPhone, qui a été vendu à l'été 2007 pour la première fois. On me dit que c'est populaire. Le 10 janvier 1899, un brevet américain a été donné pour un appareil électronique inventé par David Messel, ou MISA, qui utilisait des batteries de format D, bout à bout, dans un tuyau de carton, avec une ampoule au bout, et un brass reflector, je sais pas trop ce que c'est en français, mais c'est pas même important. Donc les batteries duraient aussi longtemps qu'un flash de lumière, d'où le nom flashlight. Hein? En 1949, riposter si on veut, au nouveau format 33 RPM de Columbia, donc ça c'était les longs jeux, RCA a débuté une guerre des formats en présentant le 45 RPM, le single 45 RPM de 7 pouces de diamètre, voilà, aux États-Unis. Je suis pas un grand connaisseur, aucunement connaisseur, donc j'y vais à peu près, mais donc single 45 RPM de 7 pouces de diamètre pour faire un combat au 33 RPM de Columbia. Alors, en 2008, Sony BMG est devenue la première étiquette majeure à bien vouloir vendre de la musique sans DRM, sans verrou numérique, on en parlait un petit peu précédemment, donc des MP3, ça c'était en 2008. Le 11 janvier 1954, la BBC a diffusé pour la première fois leur bulletin météo InVision. Donc, George Colling du Meteorological Office a présenté des studios de Lime Grove de la BBC de la météo avec des dessins faits à la main qu'on punaisait sur un tableau, sur un babillard. C'est en 1954. En 2001, AOL et Time Warner ont complété leur fusion. À ce moment-là, c'était vu comme un symbole de la victoire d'Internet par rapport aux vieux médias. Time Warner, qui allait plus tard gagner tout ce qui s'est passé avec ça, ils ont comme gagné, ils ont réussi. En fait, ils ont remis AOL comme sa propre compagnie. Ils ont dû la spin-offer, la dériver. En 2001, Dave Weiner a révélé Payloads for RSS qui permettait entre autres les enclosures. Un exemple, c'était un fil RSS. Donc, un fil, c'est du code qui permet de faire les affaires. Et donc, ça allait livrer, par exemple, dans ce cas-ci, une chanson de Grateful Dead par jour, à tous les jours, en auto-téléchargement par fil RSS. Donc, c'était un podcast avant d'être un podcast. Une balado avant d'être une balado. En 2005, Apple a présenté pour la première fois le iPod Shuffle, un lecteur de musique sans écran et avec de la mémoire flash. Ça se vend encore aujourd'hui pour $50. C'est une façon pour les jeunes, entre autres, d'arriver dans l'environnement Apple pour pas trop cher. Et après ça, une fois qu'ils sont accros, tu leur vends un iPod Touch à 300-400$. Et un iPhone, après ça, à presque 1000. En 1910, le 13 janvier, la première diffusion radio a eu lieu avec une performance en direct de l'opéra Cavaliera Rusticana, chantée par Enrico Caruso et plusieurs autres. Ça a été diffusé par la Metropolitan Opera House à New York City. La transmission avait 500 watts de diffusion. En 1928, trois téléviseurs ont été installés par General Electric dans des maisons de Schenectady, New York, pour pouvoir démontrer, pour la première fois, un récepteur télévisé dans les maisons chez le commun des mortels. L'image faisait 1,5 pouces de long par 1 pouce de large à 24 lignes et 16 images par seconde. Imaginez 1,5 pouces par 1 pouce. Là. C'est à peu près... C'est à peine plus gros qu'un iPod Shuffle, finalement. En 1976, Raymond Kurzweil et les leaders de la National Federation of the Blind, donc la Fédération nationale pour les aveugles, a annoncé la Kurzweil Reading Machine. C'est la première machine qui transcrivait du texte en discours, donc en parler. Walter Cronkite a utilisé cette machine-là pour livrer sa signature de fermeture de bulletin de nouvelles. And that's the way it was. C'est comme ça que ça s'est passé, le 13 janvier 1976. Voilà. Ensuite, le 14 janvier 1973, le concert d'Elvis Presley, Aloha from Hawaii, a été diffusé en direct via satellite et ça a eu le record, la diffusion la plus regardée par un entertainer de l'histoire de la télévision. C'était en 1973. Le 15 janvier 2001, Wikipédia, l'encyclopédie gratuite, est arrivée en ligne pour la première fois. C'est un projet de Newpedia. Donc, une encyclopédie écrite par des experts, ça c'était Newpedia, et Wikipédia, c'était par le public. En 2013, Facebook annonçait Graph Search, son amélioration du système de recherche interne, qui a depuis ce temps-là été complètement détruit. Le nouveau Graph Search ne sert absolument à rien, je déteste. Le 16 janvier 2007, Blizzard sortait la première expansion de son jeu World of Warcraft, The Burning Crusade. Et ça a été un succès énorme, bien sûr. Le 17 janvier 1871, Andrew S. Halliday a reçu un brevet pour un système de fil sans fin qu'on allait plus tard implanter à San Francisco, en Californie. C'est devenu le système des cable cars, c'est des voitures avec des câbles. En 1928, Anatole M. Josepho a reçu le premier brevet américain pour une machine à développer des films photos complètement automatisés. Le photomaton, qu'on appelle en anglais aux États-Unis, plus en Grande-Bretagne, c'est pas mal photomaton, mais aux États-Unis, c'est photo booth. Donc voilà, ça survit encore aujourd'hui dans les centres d'achat, hein? Les photomatons. Le 18 janvier 1903, le premier système de communication transatlantique et le premier télégramme sans fil a été envoyé entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Le président américain Teddy Roosevelt et le roi Édouard VII ils se sont écrits un message pour se dire comment c'était donc cool, les télégraphes sans fil. En 2012, plusieurs sites web, dont Reddit, Wikipédia et d'autres, ont fait le Internet Blackout, on s'appelle, où tous les sites étaient en blackout total pour parler contre le SOPA et PIPA. Le 19 janvier 1883, le premier système d'éclairage électrique en utilisant des fils dans les airs a débuté à Roselle, dans le New Jersey. En 1983, Apple sortait la Lisa. C'était le deuxième ordinateur commercial avec une interface utilisateur graphique après le Xerox Star. Il ne coûtait que $9,995 cet ordinateur. En 1986, Brain est devenu le premier virus d'ordinateur dans le grand public. C'était un boot sector virus, une sorte de virus particulier transmise par disquette. C'était les frères Farouk Alvi de Lahore au Pakistan qui avaient créé ce virus. Et finalement, le 20 janvier en 1929, le film Old Arizona sortait. C'était le premier film parlant, donc à être filmé aux États-Unis en extérieur. Ça commence à être spécifique, le premier film complet aux États-Unis à être filmé à l'extérieur. En 1934, Fuji Photo Film Company Limited, la compagnie de photographie et d'électronique qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Fujifilm, a été fondée à Tokyo, ça c'était en 1934. En 1981, l'inauguration du président américain Ronald Reagan. C'est la première diffusion à avoir des sous-titres en télétexte, en direct, pour ceux qui étaient malentendants. Et en 2009, l'inauguration du président américain Barack Obama est devenue le stream le plus populaire jusqu'à ce moment-là. Donc, selon Akamai Net Usage Index, le trafic web a eu un pic à 5,4 millions de demandes par minute et 2 téraoctets par seconde. C'était en 2009. Voilà, on a fait le tour de cette semaine dans l'histoire depuis le début du mois de décembre. Je pense que ça valait la peine de farcir. Il y avait des choses vraiment intéressantes là-dedans. Les liens et le reste des choses que j'ai pas couvertes, parce qu'évidemment, les affaires qui m'intéressent pas là-dedans. Donc, c'est sur assemblagerequis.com. Voilà. Tantôt, il va nous rester encore CNX. On va pas mal terminer l'émission avec ça. On va faire la dernière demi-heure de CNX. Mais avant ça, on y va avec notre série musicale spéciale, notre série en concert. Qui s'appelle DKC Mixed Ape 94. C'est par Big Mad Attacks. Hein? C'est une galerie, une ribambelle de musiciens les plus talentueux. C'est un projet communautaire géré par Big Mad. C'est 35 chansons au total qui rendent hommage à aux trames sonores des différents jeux de Donkey Kong Country 1 à 3 pour la Super Nintendo. C'est le 20e anniversaire d'une des meilleures séries de jeux de plateforme, évidemment, de tous les temps. J'en parle tellement souvent, vous le savez bien, je ne vous apprends rien. On était rendu aux pièces 16, 17 et 18. Ça avance, on aime ça. Ce qu'on va écouter pour commencer, c'est l'artiste 8-Bit Disaster. Et la pièce s'appelle Island Swag, tout de suite dans DKC Mixtape 94 MPS, le Mathieu Plante Show. Ah, c'est fou. Pis là, Bandcamp, là, je me fie sur toi. d'excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Rescue par Droideck, précédé de DJ Sonic Buster avec Crook and Club, DJ SBK Remix. On a débuté avec 8-Bit Disaster et Island Swag. Ça fait partie de la collection DKC Mix Ape 94 que vous pouvez retrouver sur bigmadattackspresents.bandcamp.com ou en passant bien plus facilement par le site web de l'émission ou assemblagerequis.com. Maintenant, c'est le moment de faire le tour des nouvelles geeks. Voici le segment geek Cynix. CNX, c'est la chronique dans laquelle on parle de technologie, de jeux vidéo, tout ce qui tourne autour de la technologie finalement, mais pas de la médecine, des autres affaires qu'on fait dans ces sciences, hein, c'est ça la distinction. Commençons par les avancées technologiques. En passant, on va faire un survol très très rapide de l'actualité. J'ai coupé tellement d'affaires par manque de temps. Donc, soignez le daltonisme, des lunettes pour voir toutes les couleurs. Comme on en parlait il y a quelques temps, une entreprise californienne nommée Anchroma a mis au point des lunettes correctrices pour daltoniens. Celles-ci modifient au travers de verres spéciaux les couleurs perçues par une personne atteinte de daltonisme. Elles s'utilisent comme de simples lunettes de soleil, soit en journée et à l'extérieur. La vision humaine est basée sur la présence de récepteurs dans la rétine et servant à la formation et la différenciation des couleurs. Ils se divisent en trois types, donc L, M et S, correspondant aux trois couleurs, rouge, vert et bleu. Une personne daltonienne a une carence à ce niveau et elle ne dispose pas des trois et sera contrainte de former les couleurs avec les deux seuls restants. Il existe deux genres fréquents de daltonisme, donc le protanope, qui est le rouge qui s'assombrit et tend vers le orange, et le deutéranope, le plus répandu, où le vert devient jaune. La lentille développée par Anchroma corrige ces deux cas. Les lunettes filtrent les longueurs d'onde de lumière que perçoit l'œil de façon à ce que le signal de couleur envoyé au cerveau soit amplifié. Le filtre doit faire des coupes très précises dans le spectre de lumière afin de bloquer les couleurs qui ne sont pas primaires. Les lentilles font apparaître les couleurs de façon plus lumineuse, plus vive et saturée. Les utilisateurs les perçoivent plus rapidement et précisément, nous dit l'entreprise. Une première version de ces lunettes a été réalisée il y a 2 ans. Le dernier modèle, lui, est fait en polycarbonate, un matériau aussi employé chez les sportifs. Cette version accessible aux porteurs de lunettes avec ou sans ordonnance n'est cependant pas définitive. Ses créateurs cherchent encore des moyens pour l'améliorer, notamment l'adapter aux enfants, le groupe d'âge avec lequel ils pensent pouvoir faire le plus de progrès. L'entreprise Local Motors a profité du salon de l'auto de Détroit pour présenter un modèle de voiture entièrement imprimé en 3D et conçu de façon communautaire. L'impression 3D continue de faire des émules. Au salon de l'auto de Détroit, la petite entreprise Local Motors fait parler d'elle grâce à la Strati. Cette voiture qui roule vraiment dispose d'une particularité de taille. Elle a été entièrement imprimée en 3D directement sur le salon. L'élaboration de la Strati est le fruit d'une collaboration communautaire. Le projet est open source, ce qui signifie que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Mais également se l'approprier. Reste-t-il qu'il faut disposer du matériel nécessaire pour fabriquer et assembler un tel véhicule? Les différentes pièces de la carrosserie et au pare-brise en passant par les sièges sont conçues en matière composite avec une matrice plastique ABS avec des renforts en fibre de carbone. 44 heures d'impression sont nécessaires pour réaliser 212 couches d'impression et l'assemblage prend quelques heures supplémentaires. Quant à l'ensemble moteur-boîte, il n'est comme on peut l'imaginer pas imprimé en 3D au même titre que les roues. Le coût des matières plastiques utilisées pour l'impression est estimé à 5$ la livre. Il a fallu 1100 livres de plastique pour concevoir la Strati. On arrive donc à un total de 5500$, soit environ... Même s'il faut ajouter à cela les pièces qui ne sont pas imprimables, on obtient un véhicule bien moins cher qu'une voiture traditionnelle propulsée par un moteur électrique d'une autonomie de 65 à 100 km selon les conditions de conduite. La route est encore longue avant de pouvoir voir un tel véhicule autorisé à circuler. La Strati et d'autres modèles développés par Local Motors vont devoir passer des tests de sécurité, mais l'entreprise a pour ambition de permettre à terme la fabrication de ce type de voiture dans des mini-usines, des ateliers situés à proximité des villes américaines, donc rouler dans une voiture imprimée en 3D. On en parlait en ouverture d'émission. Les chercheurs de l'université de Tübingen en Allemagne travaillent sur un projet qui permettra au populaire plombier italien Mario d'être autonome. À l'heure où les surdoués sont en mesure de compléter le jeu Super Mario en moins de 5 minutes, des chercheurs veulent pousser le concept dans une toute autre direction, permettre à Mario d'apprendre à jouer à son propre jeu et prendre des décisions sur la base de sa curiosité, sa faim, son bonheur et sa peur. Comme le rapporte le quotidien The Guardian, l'équipe a soumis son projet, An Adaptive Learning AI Approach for Generating, Living and Conversing Mario Agent, à la compétition annuelle organisée par l'Association for the Advancement of Artificial Intelligence. Elle a partagé une vidéo sur YouTube qui explique l'avancement de ses travaux dans l'espoir de remporter la faveur du public. Donc, c'est pas un vulgaire script permettant à Mario de connaître exactement le trajet à suivre et les actions à produire afin de parvenir à ses fins. Au début, Mario est vierge, comme tout joueur qui n'a jamais joué à un jeu vidéo de sa vie. Il est conscient de son environnement, mais n'est pas en mesure de déterminer quels éléments sont bénéfiques ou dangereux. Sa curiosité naturelle le pousse à vouloir explorer le niveau et il apprendra les rudiments du jeu par une série d'essais et erreurs. Mais la notion la plus intéressante démontrée dans la vidéo est sans doute la possibilité de parler à Mario, d'influencer son humeur ou de lui transmettre de l'information sur les dangers qu'il guette. Essentiellement, on peut imaginer qu'il sera un jour possible de parler à Mario comme lorsqu'on s'adressait à notre mère la toute première fois qu'elle s'est retrouvée avec la manette de Nintendo entre les mains, puis qu'elle se faisait aller de gauche à droite pour bouger, hein, puis qu'elle sautait dans les airs sur le divan pour sauter. Toutefois, Mario aura potentiellement plus de potentiel à maîtriser parfaitement le jeu, contrairement aux limites de quelqu'un qui joue à Super Mario pour la première fois de sa vie. C'est un article de Branchez-vous. Fujitsu compte commercialiser à partir du mois de février au Japon un appareil destiné aux personnes passant beaucoup de temps sur la route. L'objectif de cet accessoire est de prévenir les conducteurs de leur somnolence au volant. Le Feelism est un appareil qui pourrait intéresser un bon nombre de conducteurs, mais qui sera en premier lieu commercialisé à destination des professionnels de la route par Fujitsu. Il se compose de deux éléments. D'un côté, un capteur relié à un collier qui se fixe au lobe de l'oreille pour mesurer certains signes vitaux, comme le pouls et l'activité du système nerveux autonome. De l'autre, un petit boîtier qui interprète les informations et émet alerte sonore et vibration en cas de besoin. En mesurant à la fois le pouls et l'activité du système nerveux autonome et qui renvoie aux fonctions automatiques que la personne ne peut pas contrôler volontairement, l'algorithme développé par Fujitsu peut déterminer précisément quand un automobiliste commence à piquer du nez et donc se mettre en danger en restant au volant. Le logiciel est également capable d'apprendre les signes vitaux enregistrés qui varient pour chaque personne pour affiner ses analyses et anticiper les situations à risque. L'appareil peut être relié à un système de gestion de flotte de véhicules, ce qui peut permettre à un employeur de surveiller ses chauffeurs de bus ou de camion, par exemple, en s'assurant qu'ils respectent les consignes de sécurité en matière de conduite. Donc, anticiper la fatigue pour l'éviter, le bon moyen pour minimiser les risques liés à la somnolence au volant, peut-être encore faudra-t-il que les conducteurs avertis fassent le nécessaire face aux alertes. La marque japonaise espère vendre 70 000 de ses appareils à des professionnels durant les trois prochaines années. On peut s'attendre à voir débarquer ce type d'appareil en magasin à destination du grand public. Mauvaise nouvelle pour Google. En fait, pour les gens qui aimaient les lunettes de Google, le géant Internet américain a annoncé pour la semaine, pour cette semaine, la suspension de la vente de son prototype de lunettes interactives Google Glass, dont il promet toutefois de nouvelles versions dans un avenir non déterminé. Donc, le 19 janvier dernier, voilà, était la dernière journée pour acheter les Google Glass. C'est terminé pour l'instant. On va suivre évidemment le dossier. Un dérivé du MIPS R3000, équipe New Horizons, le vaisseau spatial parti en 2006 à la découverte de Pluton. Qu'est-ce que le MIPS R3000? C'est le processeur de la première PlayStation qui s'en va vers Pluton. C'est peut-être difficile à concevoir, mais les ingénieurs de la NASA n'ont pas spécialement besoin de puissance brute pour les composants informatiques équipés dans les dispositifs qu'ils envoient régulièrement dans l'espace. L'important, c'est la fiabilité des composants. Savoir qu'on peut compter sur un microprocesseur dans une situation donnée et connaître ses réactions dans telle ou telle condition importe plus que sa puissance brute de calcul. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre qu'une version remaniée du processeur de la première PlayStation, le MIPS R3000, est en train de se diriger, de diriger New Horizons vers Pluton. Lancé en 2006, ce vaisseau spatial est sur le point d'arriver vers la planète Nen, dont elle est censée explorer les alentours, comprendre les différentes lunes. Avant éventuellement de poursuivre ses découvertes de la ceinture de Kuiper, c'est bien ça, je connais pas trop, à partir de 2016. Le vaisseau spatial est équipé de deux systèmes différents, l'un chargé des instructions et de la gestion de données, l'autre du contrôle et de la direction. Par sécurité, les deux systèmes sont dupliqués, portant le nombre de MIPS R3000, en fait des Mongoose V-Chip, dérivés directs des MIPS A4. L'un des composants principaux de la première PlayStation, sortie en 1994 au Japon, s'avère particulièrement utile pour envoyer des requêtes à l'ensemble des sous-systèmes de la navette ou encore de collecter et d'envoyer les différentes données recueillies. Donc, c'est pas si mal pour un processeur déjà obsolète. Voilà. Ensuite, mauvaise nouvelle du côté de Nintendo. Le club Nintendo va être interrompu, mais la bonne nouvelle est qu'il va y avoir encore d'autres choses pour le remplacer. Mis en place sur tous les continents depuis 2007, le club Nintendo et ses points cadeaux seront remplacés par un nouveau programme de fidélité à compter de l'automne 2015. L'information émane de toutes les divisions de Nintendo en Europe, aux États-Unis comme au Japon, avec à chaque fois différents échéanciers pour ceux qui souhaiteraient solder leurs points. Acquis au gré des achats et des enquêtes consommateurs, les petits sondages. Voilà, Nintendo n'inclura plus de code dans ses jeux version magasin à partir de bientôt. En fait, ça va être... est-ce que j'ai la date pour les États-Unis et l'Amérique du Nord? Enfin bon, les points vont aussi évidemment perdre leur valeur avec le temps. Donc, renseignez-vous pour les dates. Les dates, c'est dans l'article sur assemblagerequis.com. Finalement, un halo malade ajouté au roster de NBA 2015. C'est la belle histoire du moment. Donc, c'est le site Bleacher Reports, site de sport aux États-Unis, qui nous renseigne là-dessus. Le jeune Matt Simon est un adolescent américain comme les autres, amateur de basketball et plus particulièrement de la NBA. À ceci près qu'il souffre d'une maladie invalidante et son histoire a ému l'équipe de développement de la série NBA 2002K. 2K Games a donc décidé d'inviter Simon dans ses locaux pour qu'elle participe à quelques scénarios de motion capture. Et voilà, il fait désormais partie du casting de NBA 2K15, un jeu qu'il adore. Le geste est d'autant plus sympathique que les développeurs auraient pu se contenter de le modéliser puis de lui attribuer le moveset de n'importe quel autre joueur, mais non, on a vraiment fait du motion capture pour qu'il puisse jouer son propre rôle. Matt Simon sera donc ajouté au roster du jeu via la nouvelle mise à jour d'effectifs et se trouvera dans la longue liste des free agents, les agents libres. Il pourra ainsi être affecté à n'importe quelle équipe, donc à vous de choisir si vous voulez jouer avec Monsieur Matt Simon. Et pour conclure, CNX, vraiment pas beaucoup de nouvelles aujourd'hui, j'en ai vraiment passé plusieurs, elles sont toutes sur assemblagerequis.com. Mais les jeux les plus loués, c'est avec ça qu'on termine la chronique d'habitude. Donc, position numéro 10, Far Cry 4, édition limitée sur Xbox One. En 9e, Call of Duty Advanced Warfare sur Xbox One. En 8e, c'est encore Far Cry sur PlayStation 4. En 7e, Minecraft Xbox One Edition sur Xbox One. En 6e, Minecraft Xbox 360 Edition sur la 360. En 5e, Dragon Age Inquisition sur la PS4. En 4e... Pardon, c'est de parler trop longtemps. En 4e, Call of Duty Advanced Warfare sur Xbox 360. En 3e, Super Smash Bros. Pour la Nintendo Wii U. En 2e, Grand Theft Auto 5 sur la Xbox One. Et en 1ère, c'est Grand Theft Auto 5 sur la PlayStation 4. Voilà pour les jeux les plus loués. Voilà pour CNX. On a à peine assez de temps pour retourner entendre une dernière chanson de Chiptune. Oui, c'est vrai, on a bien le temps pour ça. Donc on va l'entendre. On était rendu à... qu'on était donc rendu à ça. On était rendu à une pièce que vous connaissez de la série des Super Mario Kart. Cette chanson vient de Mario Kart Double Dash. C'est un remix rock. On a entendu un remix rock en tout début d'émission et c'était quand même bon. On continue dans la même veine. C'est Lonely Rolling Stars qui nous offre cette version de Royal Rainbow Road. Puis on vient se dire au revoir juste après MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou 81 FM. Ah oui, c'est 5-6 personnes différentes qui jouent en écran séparé. Si vous voulez voir un vidéoclip, là, la mode des carrés, hein, ça ressemble à ça. Sur l'assemblage rookie.com.